Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Marc Chaunet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Et on donne le coup d'envoi avec une nouveauté. En fait, le disque doit paraître le 2 juin. Il s'agit du premier disque solo du claviériste de Wobbler, un album qui s'intitule Fire Forte Linger. Et comme je le disais tantôt, paraît le 2 juin. Et je pense que nous, c'est notre troisième extrait et c'est une version raccourcie d'une longue pièce de 16 minutes qu'on a ramené, nous, à 8 minutes pour les besoins de la cause. Et puis, on reste en Norvège avec Ring Van Mobius, leur troisième album, Commission Works Part 2, Six Drop of Poison. C'est un second extrait pour cet album. Et puis Marc, je pense que on passe après ça de la Norvège aux Pays-Bas. Oui, et c'est la formation Sounds of Stranger qui vont faire paraître leur nouvel album. C'est demain, en fait, la date officielle de parution de ce premier album intitulé Crossing Borders. On aura la pièce Years of Memories. Et ce sera suivi d'une formation américaine qui a pour nom OK Goodnight. Ils sont de Boston. Et c'est leur second album qui va paraître le 2 juin prochain. Un album intitulé The Fox and the Bird. Leur premier avait pour nom Rapture, était paru en 2019. Alors de ce nouvel album, on aura la pièce The Falcon. Mais comme vous le disait Michel, en exclusivité à la radio de Québec cette semaine, un extrait d'une nouvelle pièce du nouvel album de Lars Fredrik Freusle de Wobbler. closest dance wasn't right. What's the difference between man that lost a fight? Yes, memories in his mind. With incense he showers, catching moments as they fly, they fly away. Memories in his mind. Put your broken faith as a trust in his heart. Wisdom play by its own part. He's always looking for answers. He's trying to run away. Maybe you're helping him anyway. How much wiser you would be playing these wars with me. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Vous écoutez CKRL, la radio culturelle, au 89,1. Salut, ici Denis Lelièvre, animateur bénévole à CKRL depuis 1973. Salut, je suis Jessica Leb, animatrice journaliste depuis 2013 à CKRL. Ensemble, nous retraçons l'histoire de CKRL à travers les témoignages de ceux qui l'ont bâti en 5 décennies. Entre anecdotes et souvenirs, nous célébrerons 50 ans de radiophonie communautaire. 50 ans de CKRL, c'est chaque mardi, 15h30. Présenté grâce aux partenaires gouvernementaux suivants. Ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe. Ministre responsable de la Capitale Nationale, Jonathan Julien. Sol Zanetti, député de Jean Lesage à l'Assemblée Nationale. Député de Taschereau, Étienne Grandmont. Député fédéral, Beauport-Limoilou, Julie Vignola. Ministre de la Santé et député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos. L'Anglicane vous offre des spectacles inoubliables dans une salle au cachet unique. Musique, humour, théâtre et danse. Profitez d'une programmation riche et variée à quelques pas du traversier. Détails et billets au langlicane.com. Dans le cadre du 39e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, CKRL est fier de collaborer à la présentation du concert de Guy Thouin et l'Ensemble Infini le samedi 20 mai 2023 à 15h. Pour tous les détails sur le 39e FIMAV, visitez le fimav.qc.ca. Tu me vois plus. L'Abordé vous invite à soutenir l'impulsion de sa prochaine saison. Le mercredi 24 mai, participez à notre soirée bénéfice en assistant au spectacle musical « À main nue » de l'auteur, compositeur et interprète Émile Brou-Cloutier. Assistez à un spectacle d'une grande qualité, à la fois touchant et intelligent, et soutenez du même coup un théâtre qui fait une différence dans sa communauté et auprès de son public depuis plus de 45 ans. Cocktail dînatoire sur place. Réservez vos billets sur labordé.ca. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. De retour à Terra Incognita, on va entreprendre ce nouveau bloc musical avec un projet qui nous vient d'Allemagne, et c'est le groupe Sen Project qui, ma foi, est assez productif puisque on a eu un album en mars dernier, Tales from Avalon, et ben, cette fois-ci c'est Pride, paru quelques mois plus tard. Il faut dire que le responsable de ce groupe, un Allemand qui a pour nom Chris Engels, produit aussi des albums sous un autre nom, c'est-à-dire Chris Angels. Donc, on peut dire que c'est probablement un des musiciens allemands les plus productifs par les temps qui courent. Et puis, on aura un single d'une formation londonienne qui a un nom à rallonge aussi long que ceux de certains groupes italiens, c'est-à-dire Hats Off Gentlemen, It's Adequate. Ça nous vient de Londres, et je vous disais, 6e album paru en 2022, des Confidence Trick, un excellent album que je recommande à tous. Mais cette fois-ci, le groupe nous arrive avec un single, je disais, qui a pour titre Burn the World, et ça porte sur les changements climatiques. C'est d'ailleurs noté que les profits de la vente de ce single seront versés à une fondation qui a pour nom Prague the Forest. Et Marc, on va poursuivre avec une nouveauté qui nous vient d'Italie. Oui, et c'est la formation Giant Divine, leur second album, qui vient juste de paraître ce vendredi et qui a pour titre A Chair at the Back Door. Et ce sera suivi de la formation américaine Great White Nothing. On aura un nouvel extrait de leur nouvel album Hymns from Hungry Spirit Volume 2, la pièce To Find the Light Part 2. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, une nouveauté de Sand Project. as the gates open the stores and ponder my fate. I wonder what comes next behind laughter's gate. Is there a room beyond or just eternal sleep? Will I find peace and rest or struggle in the deep? In the deep? Yeah. There's unbroken sea where an island used to be. The coral bleached, the sandbanks breached long ago. Long ago. The desert is winning. Floods are not at all, and not much in between. We could have made, but it's easier to break. We could have tried, but it's easier to fail. We could have taken care. Could have cared just enough to give ourselves a chance, but it's easier to fail. We never learned to change. All the things we could have done, and we chose to burn the world. So many chances slip, and so many of us wait for someone else to blink, for someone else to make the change while we drift. So much life to live, and so much life to save from ourselves, but we threw it all away. What have we left for you? We could have made, but it's easier to break. We could have tried, but it's easier to fake. We could have taken care. We could have cared just enough to give ourselves a chance, but it's easier to fail. Never learn to change. All the things we could have done, and we chose to burn the world. We'll be right back. circles right back to this question. I'm certain now as we were at the start. Which way to go to find our shelter? Find my way. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Un jour élu la création. Éloignement dans la proximité. Oh, le malheur, c'est comme le bonheur. Oh, la malchance, la paix sur tes vacances. Vous écoutez CKRL 89.1, une des 30 radiovisions avec vous partout au Québec. Présenté par l'École de cirque de Québec. Les jours de cirque s'en viennent à grands pas. Les zones cirque deviennent les éclats de cirque. Deux spectacles en plein air gratuits, présentés aux passants dans cinq lieux emblématiques de la ville de Québec. Place Deauville, Place Limouloise, Monument Samuel de Champlain, sous le Château Frontenac, Place de l'Université du Québec, Place Fleur-de-Lys et sur le parvis de l'École de cirque. Pour connaître tous les horaires et lieux, rendez-vous au jour avec un S de cirque.ca. Vous cherchez une charcuterie artisanale qui propose des produits de qualité exceptionnelle? Alors ne cherchez plus. Venez découvrir le Pied Bleu. Le Pied Bleu, c'est avant tout un bar à charcuterie spécialisé en charcuterie cuite qui produit un boudin digne d'une appellation d'origine contrôlée. Le Pied Bleu vous offre également des plateaux de fromage et de charcuterie pour vos événements, pique-niques ou réceptions. N'hésitez pas à nous appeler au 88 914 35 54. Le Pied Bleu, la convivialité et l'authenticité en toute simplicité. Du 15 au 18 juin, rendez-vous à Tadoussac pour la 39e édition du Festival de la chanson, présenté par Québec Or. De Ariane Roy à Vulgaire Machin, en passant par les Sœurs Boulay ou Gab Bouchard, tu trouveras ton bonheur dans la programmation. Laisse la magie de Tadoussac s'emparer de toi et viens profiter du seul festival où tu peux écouter des baleines la journée et des concerts le soir. Billets et passeport sur chansontadoussac.com. On se voit où? On se voit à Tadou. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura une formation des Pays-Bas. La formation Leap Day qui a fait paraître 6 albums en carrière. Et on aura ici un extrait de leur 4e album qui avait pour titre From the Days of Deucalion, Chapter 2. Paru en 2015 avec la pièce In the Shadow of Death. Et pour débuter le bloc musical, on vous parlait depuis plusieurs semaines du festival Terra Incognita. Ça bat son plein depuis vendredi et demain c'est la 3e journée. Alors il y aura Nathaniel Larochette qui fait l'ouverture de la journée. Ensuite la formation Carcius, et on aura d'ailleurs une pièce de Carcius ce soir pour vous, tirée de l'album Épisode paru en 2008 et la pièce Purple King. Et on aura deux formations de l'Italie, Quel che dice il tuono et la formation La Maschera di Cera. Et d'ailleurs, Michel, quand Fabio Zuffanti a débuté La Maschera di Cera, il voulait rendre hommage au rock progressif des années 70. Oui, tout à fait. Et puis même, je dirais, pour être encore plus précis, il voulait rendre un hommage au rock progressif italien des années 70, une de ses grandes passions. Et on va écouter un extrait de l'album Luxade, paru en 2006. Et donc, on y va avec La Maschera di Cera, qui sera demain en concert à la Chapelle Spectacle. Une journée à ne pas manquer. We'll be right back.

croce di luce, a guardarlo dal cielo, e sfinì la sua ombra dal riposo. soothed sky. It's gone, so they say. Pray to your gods and ask them why. Darkness all around, shattered skies, they're scaring me. Not a smile that looks upon me, her face out of sight, her pale light nowhere to be seen. Darkness all around, shattered skies, they're scaring me. There's not a single light to be seen. All around, burying everything under layers of grey dust, fuming mountains, puking their ashes all around, snowflakes made of soot, falling down, keep falling down. Suffocating blanket of dust, fuming mountains, puking their ashes all around, snowflakes made of soot, falling down, keep falling down. Have left us behind. No twinkling in the night, not a single star to be found. Darkness all around, shattered skies, they're scaring me. There's not a single light to be seen. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Du 15 au 18 juin, rendez-vous à Tadoussac pour la 39e édition du Festival de la chanson, présenté par Québec Art. De Ariane Roy à Vulgaire Machin, en passant par les Sœurs Boulay ou Gab Bouchard, tu trouveras ton bonheur dans la programmation. Laisse la magie de Tadoussac s'emparer de toi et viens profiter du seul festival où tu peux écouter des baleines la journée et des concerts le soir. Billets et passeports sur chansontadoussac.com. On se voit où? On se voit à Tadou. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Dans le prochain bloc musical, on aura la formation italienne Il Tempio delle Clessidre. C'est la formation de Elisa Montaldo, qui est claviériste et chanteuse. Et ils ont 3 albums à leur actif. On aura ici un extrait de leur second album, qui a pour titre Allié Natura, paru en 2013, avec la pièce Senza Colori. Mais pour débuter le bloc musical, Michel, le duo Pacha et Posti. Oui, c'est deux musiciens, c'est-à-dire Rafael Pacha, le guitariste espagnol, et Kimmo Posti, batteur finlandais, ont présenté un premier essai en commun qui a pour titre « Views from the Inner World ». Et évidemment, je pense que plusieurs connaissent Kimmo Posti comme le batteur de Samurai of Prague. Et pour Rafael Pacha, mais c'est un musicien, un habitué de l'univers de Samurai of Prague, qui a contribué à plusieurs disques. Et on va écouter la pièce « The Man Who Walked Home ». Thank you. Thank you. on a décidé de vous laisser ce soir sur une pièce d'une formation qui vient de la Suisse, la formation Métamorphosis, qui est le projet du compositeur Jean-Pierre Schenk, chanteur, claviériste et batteur. Alors, c'est tiré du tout premier album de cette formation, paru en 2002. Le plus récent est paru en 2021. La formation a réalisé 6 albums en tout. Et on aura ici la pièce-titre de cet album, After All These Years. C'était Michel Bilodeau et Marc Chaunet avec vous depuis 21h. Restez les nôtres pour l'émission L'Autoroute sur les ondes de CKRL. Bonne semaine et à bientôt. So how can you just call and say Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. À la coopérative funéraire des Deux-Rives, nous vous offrons des carrières qui font une différence. Vous serez séduit par notre approche humaine qui allie respect et plaisir, ainsi que par nos emplois stimulants dans lesquels vous vous sentirez utile et valorisé. Car au cœur de tous nos gestes, il y a l'humain d'abord. Visitez notre site web au carrière avec un S, coopfunéraire2rives.com. Qu'est-ce qu'on a fait de nos rêves? Un spectacle hommage à Sylvain Lelièvre. Petit matin, sans horizon. Jo Beaucamp, Stéphane Archambault, café, Daniel Boucher, Florence K, Pierre Verville et plusieurs autres. Marie-Hélène vient juste d'avoir 20 ans. Tous réunis pour chanter les mots de Sylvain Lelièvre. Est en appartement. En supplémentaire le 2 juin au Palais Montcalm de Québec. Billets sur productionmartelleclerc.com. Comment ça va, vieux frère? Album hommage également disponible partout. Le Festitrad de Saint-Gabriel dans Lanaudière t'invite à venir festoyer dans le cadre de sa 7e édition du 1er au 3 juin prochain. Venez faire la fête avec le Vent du Nord, Musique à Bouche, Été, Les Campagnards, The Swindlers et le trio Jeté Gagné Branchot. Camping et douche sur place. Détails et billetterie au festitrad.com. L'action ne manque pas au cinéma Le Clap Sainte-Foy et de Loretteville. Surveillez les nouveautés, les classiques et les films québécois. Présentement en affiche. Bo is Afraid, Big George Foreman, La Bonne Société, David contre Goliath, Dieu tu es là, c'est moi Margaret, Dounia et la princesse d'Alep, Parador, Fragile, Les Gardiens de la Galaxie volume 3, L'Opéra de la Terreur, Renaissance, Phi, Polite Society, Showing Up et Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Consultez la programmation en cours sur leclap.ca. Bon cinéma! Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. D'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps.